Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Merci de vous connecter à la fréquence de la vie chaque matin pour écouter et pour suivre Méditons ensemble. Nous vous encourageons à acquérir le lecteur de la Bible 2020 avant la fin de l'année pour commencer la méditation matinale en début d'année. Pour ce jeudi 12 décembre 2019, jour qui marque le 346e jour de l'année, nous bénissons le Seigneur pour sa faveur qui s'attache à vous pour les 19 jours qui restent à parcourir pour parvenir à l'année nouvelle. Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17, c'est le texte qui nous est donné de lire, texte proposé donc par le lecteur de la Bible, édition 2019. Les vertus que Paul nous exhorte à revêtir se retrouvent dans la liste du fruit de l'esprit qui nous sont données dans une autre épître, Galates chapitre 5, les versets 22 à 23. Mais vous et moi sommes incapables de les reproduire dans nos vies. Malgré leur position en Jésus-Christ, les croyants n'ont pas la puissance en eux-mêmes d'actualiser l'appel à une vie sainte qu'ils ont reçue de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut produire le fruit de l'Esprit. Les cinq caractéristiques que Paul nous donne ont été personnifiées en Jésus-Christ pendant son ministère terrestre. Le croyant peut aussi les manifester dans sa vie s'il se soumet à l'action du Saint-Esprit en obéissant à Dieu. L'évangéliste Jean-Marc Agnero nous donnera de bien comprendre en des termes simples les grandes vérités de ce passage. Il fait partie du corps pastoral de la MESA, la mission évangélique, la source de l'abondance. Il est auteur du livre intitulé « Activer la faveur divine dans le choix du conjoint ». Il est aussi le président de la structure GSD, entendez par là « Génération sans divorce », une structure qui fait la promotion du bonheur conjugal, qui accompagne les célibataires et les fiancés dans leur choix et qui réactive la flamme des couples déjà constitués. Emmanuel Yao, Edouard Yao s'occupe de la mise en onde de cette émission. Je suis Alex Adombi, Pacom. Nous allons juste prier avec notre invité du jour, l'évangéliste Jean-Marc Agnero. Béni sois-tu, tendre Père, pour ce rendez-vous que tu nous donnes autour de ta parole. Comme Marie, nous nous asseyons à tes pieds afin d'entendre ces paroles qui sont porteurs de vie et de délivrance. Qu'il en soit ainsi. Vie et délivrance dans la vie de chaque auditeur et de chaque auditrice de Méditons ensemble. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons ensemble le texte du jour, Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17. La lecture est faite dans la Bible Louis II, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Versets 16 et 17. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Amen. Merci de suivre Méditons ensemble, chers amis auditeurs. Nous bénissons le Seigneur pour vous et pour vos familles. Nous lisons Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17 aujourd'hui. Hier, nous avions lu avec le même invité, l'évangéliste Jean Macaniero, Colossiens chapitre 3, les 11 premiers versets. Nous allons justement revenir sur les enseignements retenus lors de notre méditation hier. Hier, nous avons parlé essentiellement de la vie du ressuscité qui devait se traduire dans deux dimensions. La première dimension, la dimension de la pensée. Nous avons dit que le ressuscité devait remplir ses pensées des choses célestes. Mmh. Et dans la deuxième dimension, la dimension des œuvres, où il avait la responsabilité d'abord de faire mourir en lui-même un certain nombre de choses. Et ensuite, vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis la société dans laquelle il se trouve, être à mesure de rejeter aussi un certain nombre de choses, telles que la colère, l'irritation, les paroles grossières et tout cela. Mais nous avons souligné l'importance de la connexion de ses pensées, du fait de remplir ses pensées des choses spirituelles, parce que c'est seulement à ce prix-là que le ressuscité, l'enfant de Dieu, pourra vivre une vie triomphante, d'abord de manière personnelle, et ensuite par rapport à la communauté dans laquelle il se trouve, par rapport à tous ceux qui sont autour de lui. D'accord, voilà. Le texte que nous lisons fait suite à celui que nous avions lu hier, les versets 12 à 17 de Colossiens 3, sont au menu de Méditons ensemble. L'observation va nous conduire à l'interprétation puis à l'application vers la fin de l'émission. Alors de quoi parle le texte? Nous sommes dans l'observation. Oui, ici l'apôtre va partager avec nous la réalité pratique même de la vie de celui qui appartient à Dieu. Voilà, la réalité pratique de celui qui est ressuscité, qui est assis aussi avec Christ dans les lieux célestes. D'accord. Nous allons aller avec les détails de l'observation. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire par rapport au découpage? Oui, certes, le test n'est pas long, mais découpons-le en deux parties. Déjà, le verset 12 jusqu'au verset 14, nous voyons les valeurs pratiques même de cette nouvelle vie-là. Et puis, le verset 15 jusqu'au verset 17, nous voyons un certain nombre de dispositions tout aussi pratiques qu'apporte cette vie nouvelle. Deux mouvements, donc, pour les détails de l'observation, versets 12 à 14 et les versets 15 à 17, commençons par les valeurs pratiques de la vie nouvelle. Il s'agit des versets 12 à 14. Oui, Paul était conscient d'une vérité très importante, c'est qu'il savait que le plus important dans la vie d'une personne, ce n'est pas déterminé par ce qu'il porte, mais plutôt ce qu'il transporte. Et donc, il va faire comprendre aux Colossiens la réalité de ce que les Colossiens transportent à partir de la vie nouvelle qu'ils ont reçue en Christ. Et au nombre de ces valeurs-là, il va citer 5 valeurs. Il va citer la miséricorde, la bonté, l'humilité, il va citer la douceur et aussi la patience, qui sont des attributs divins, mais qui sont inoculés dans la personne du chrétien, dans ce qu'ils sont devenus à partir de la résurrection. Donc la vie qu'ils ont reçue transporte avec elle ces 5 qualités-là qui constituent le caractère même intérieur de celui qui marche avec Christ. Voilà. D'accord. Deuxième mouvement, le verset 15 à 17, ouais. Les dispositions pratiques de la nouvelle vie. Oui. Donc en plus de ces valeurs-là, associées à cette nouvelle vie-là, Paul va ajouter un certain nombre de dispositions pratiques que devaient avoir les Colossiens dans la société dans laquelle ils sont. Et le premier niveau, c'est en rapport avec les décisions qu'ils vont prendre. Hier, ces Colossiens là étaient esclaves. Alors, un esclave ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Mmh. Un esclave fait ce que le maître lui dicte. Voilà, ils étaient esclaves de Satan, esclaves du diable. Mais aujourd'hui, Christ les a affranchis. Et la première responsabilité de celui qui est libre, c'est de faire des choix. Mais là encore, il donne quelque chose de très important. Il établit la paix comme étant l'élément fondamental qui doit guider les Colossiens dans leurs décisions, dans leurs choix. Puisqu'ils sont libres, ils sont maintenant appelés à faire des choix, à prendre des décisions. Voilà. Et là, il dit, faites tout pour être conduit dans la paix. Lorsque la paix remplit vos cœurs, alors vous pouvez faire le choix. Pas n'importe quelle paix, bien entendu. La paix, toujours en rapport avec cette nouvelle vie-là. La paix que Christ donne. Et l'autre disposition est en rapport avec la parole de Christ. Et ce que Paul veut pour les Colossiens, c'est qu'ils soient constamment entretenus par la parole de Christ. Ce sont les propos de Christ qui vont les inspirer, de sorte que toutes les actions qu'ils vont poser est pour base les propos de Christ, les paroles de Christ. Qu'à partir de ces paroles-là, ils puissent être capables de s'avertir les uns les autres, en tout cas de travailler au bien-être de la collectivité, au bien-être de leurs frères et tout ça. Maintenant, la troisième disposition, après le fait d'être constamment plein, de favoriser la présence de la parole de Dieu, les inspirant, les guidant, la parole de Dieu comme étant le moteur de tout ce qu'ils feront, le guide de tout ce qu'ils feront, il leur demande aussi que ce soit en parole ou en œuvre, de faire tout au nom du Seigneur, comme s'ils étaient de se comporter comme des dignes représentants dans la société de ce Dieu auquel ils appartiennent. Donc voici un peu les trois dispositions dans lesquelles Paul voulait garder les Colossiens. Parce que n'oublions pas que les Colossiens étaient la cible de faux enseignements. Et donc, il fallait leur donner un certain nombre de fondements sur lesquels s'appuyer, une manière de faire pour ne pas tomber dans le piège de ces faux enseignants-là. D'accord. Nous allons aller pour l'étape que nous appelons l'interprétation. Amis auditeurs, merci de nous rejoindre sur les ondes pour méditer ensemble Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17. On va s'intéresser, n'est-ce pas, à ce que ce texte, ce court texte nous enseigne sur Jésus-Christ. Donc, ce que nous voyons ici, ce que nous apprenons ici sur la personne de notre Seigneur, c'est qu'il est clairement dit au verset 13, « Le Seigneur vous a pardonné ». Voilà. Donc, le Seigneur est celui qui pardonne et il nous a pardonné. C'est la raison pour laquelle nous lui appartenons. Voilà, c'est parce qu'il nous a pardonné, il nous a reçus, il a fait de nous ses enfants, ses frères. Donc, voilà, nous apprenons que le Seigneur pardonne. C'est la raison pour laquelle aucun péché, aucun crime ne peut en vérité t'éloigner de Dieu. Parce que le cœur de Dieu est disposé à te pardonner, peu importe le crime, peu importe le péché que tu aurais commis. Ce n'est pas un problème pour lui, parce que son cœur est plein de pardon. Et c'est parce qu'il pardonne que même tous ceux qui lui appartiennent sont censés marcher dans cette dimension de pardon. D'accord. Est-ce qu'il y a des recommandations à suivre dont il faut tenir compte aujourd'hui par rapport au texte? Oui. Au verset 12 déjà, il est parlé de revêtir. Au verset 12, il est dit « Revêtez-vous d'une ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. » Dans l'observation, j'ai parlé de ces cinq caractères basiques. Voilà, qu'il faut développer dans notre être intérieur. Voilà, et ça c'est très important, c'est une recommandation d'une importance très capitale. Il faut qu'à l'intérieur de nous, tout ce qui est cité, que ce soit la bonté, les bienveillances, l'humilité, la patience, sont des attitudes de cœur qu'il faut pouvoir revêtir à l'intérieur. C'est lorsque ces choses-là sont en nous qu'elles ont la capacité de se déployer à l'extérieur, qu'elles deviennent visibles. Et ça, je pense que c'est une recommandation très importante. La deuxième recommandation, c'est que la parole de Dieu, la parole de Christ, au verset 16, réside au milieu de vous. Voilà. Dans d'autres versions, c'est en vous, qu'elle vous remplisse dans votre être intérieur. Et ça, c'est très important. Voilà. On ne doit pas être rempli par n'importe quoi. Je rappelle encore, c'est ce qui t'est rempli qui te conduit. Et si tu es rempli par la parole de Christ, il n'y a rien à faire. Tu seras conduit par Christ. Mais si tu n'es pas rempli de la parole de Christ, tu ne seras pas inspiré. Tu ne pourras pas être utile aux autres en les avertissant. Et tu ne pourras pas célébrer véritablement le Seigneur et faire toute chose en son nom. Donc il y a nécessité d'être rempli de la parole de Christ. D'accord. On va y aller maintenant pour les vérités. En tout cas, les épîtres de Paul nous donnent de découvrir d'importantes vérités concernant la vie chrétienne. Oui, nous voyons ici que Paul est rentré de plein pied dans une dimension pratique de la vie nouvelle, la vie du ressuscité. Et donc, j'aimerais dire que cette vie que nous avons reçue, celle-là que nous appelons la vie chrétienne, est une vie très pratique. Et c'est sur le terrain de la pratique, d'ailleurs, que le Seigneur nous attend, et non sur le terrain des déclarations. C'est la raison pour laquelle il est écrit que ce n'est pas ceux qui me disent, ce n'est pas ceux qui déclarent, mais c'est celui qui fait. Donc, c'est dans la dimension pratique que nous sommes attendus. Non seulement que Dieu nous attend, mais aussi que tous ces témoins qui nous entourent nous attendent. D'ailleurs, même Pierre a dit à Jésus, il a déclaré, tout le monde peut t'abandonner, mais moi je ne peux pas. Mais dans la réalité pratique, nous avons vu Pierre renier Jésus. Et comme le Seigneur est bon et qu'il est pardon, il a reçu son pardon. Et plus tard, nous avons vu Pierre marcher dans une dimension, pas seulement de déclaration, mais dans une dimension pratique, dans laquelle tous ces cinq caractères intérieurs-là, tous ces cinq fondements que le chrétien doit revêtir, a été manifesté. Nous avons vu la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience accompagner les différents ministères, que ce soit celui de Paul, que ce soit celui de Pierre. Et ça, c'est vraiment important. C'est dans la dimension pratique que le Seigneur nous attend. L'autre vérité que je vais souligner est en rapport avec le verset 15. Il est dit dans la version Semeur que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. En d'autres mots, c'est la paix qui doit gouverner nos choix, nos actions. Pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui a le pouvoir, qui a la capacité de garder nos cœurs jusqu'à la fin. Voilà, c'est très important d'être d'abord rempli de cette paix-là et de laisser cette paix-là gouverner nos vies, de ne rien faire tant que cette paix-là n'est pas manifestée à l'intérieur de nous d'une manière pleine. La troisième vérité que je vais souligner est en rapport aussi avec le verset 14. Il est dit « Par-dessus tout, par-dessus tout, c'est très important ce thème-là, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Oh, j'aime ça. Et dans la version second, il est dit, le verset 14, dans la version second. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voilà. Et donc, la version parole de vie nous dit que c'est l'amour qui est le lien qui nous unit parfaitement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité d'en être revêtus. Parce qu'à partir de l'amour, nous avons la possibilité de ne pas seulement être des membres, mais de devenir un corps. Et donc, lorsque l'amour est manifesté à l'intérieur de nous, lorsque nous en sommes revêtus par-dessus toutes les qualités, lorsque nous portons l'amour, alors la patience, l'humilité, la bonté et toutes ces valeurs que doit transporter, que transporte la vie nouvelle et que doit transporter le ressuscité, ont un sens et sont bénéfiques, pas seulement pour le ressuscité, mais pour toute la société. Voilà. Merci de suivre Méditons ensemble, chers amis auditeurs. Grand merci à ceux qui nous suivent depuis le début. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Le texte que nous explorons, c'est Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17 avec l'évangéliste Macagnero, avec qui nous allons conclure, bien sûr, c'est l'application que nous abordons maintenant. Alors, évangéliste, on a observé le texte, nous avions fait notre petite interprétation. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement, comme leçon à suivre pour la journée, pour la vie? Nous sommes en Christ, nous avons revêtu une vie nouvelle, et dans cette vie-là, il y a des valeurs que nous sommes appelés à manifester, à rendre visibles aux yeux du monde. Nous les avons citées, nous n'allons pas revenir là-dessus. Nous avons besoin de présenter ces choses-là à toute la société dans laquelle nous sommes. Et j'insiste encore, il est dit par-dessus tout, il est parlé de l'amour. Aujourd'hui, nous avons tellement de problèmes à cause de cette qualité-là, à cause de cette capacité-là qui nous manque. C'est pourquoi, parce que je ne suis pas de telle communauté, si l'autre communauté a un problème, je peux me permettre de me moquer, je peux me permettre de juger, de porter des critiques, je peux me permettre de même calomnier ou médire, juste simplement parce que l'amour nous manque. Or, il est le lien qui favorise l'unité. Et en tant que chrétien, nous ne sommes pas que des membres, nous sommes membres d'un corps. Et c'est à partir de l'amour que nous sommes interconnectés et que nous arrivons à véritablement nous déployer, que ce soit à titre individuel, mais aussi à titre communautaire et au niveau de la société. Nous avons la capacité d'influencer, de montrer au monde ce que nous sommes, la vie nouvelle que nous avons. Mais cela n'est possible que si l'amour est véritablement manifesté. C'est à partir de là que nous allons vraiment triompher. Donc que chaque cœur soit véritablement rempli d'amour, même si une personne n'appartient pas à ta communauté, mais parce que tu as une vie nouvelle et que l'amour fait partie des valeurs que tu transportes, manifeste là qu'il y ait de la compassion pour l'autre qui souffre, même pour l'autre communauté, si elle est dans des problèmes, si le pasteur de l'autre communauté, ça ne va pas. Même si parfois il y a des différences, la Bible dit que véritablement en Christ, toutes ces barrières-là tombent et l'amour triomphe. Voilà. Et faisons tout pour prendre les dispositions qu'il faut. La paix doit nous conduire. Ne prenons aucune décision. N'allons pas dans des choses dans lesquelles notre esprit est irrité. Notre esprit n'a pas de paix. C'est un témoignage que nous ne devons pas avancer dans le sens dans lequel nous voulons avancer. Et pour finir, je dirais que la parole de Dieu, la parole de Christ, le message de Christ doit remplir profondément nos cœurs. J'insiste en disant le message de Christ, parce que même l'Ancien Testament doit passer au travers de l'œuvre de la croix. Lorsque l'Ancien Testament n'est pas tamisé par l'œuvre de la croix, ce n'est plus la parole de Christ. Et ça devient parfois problématique et source de division. Mais la Bible dit que la parole de Christ remplisse nos cœurs. C'est à partir de là que nous allons nous avertir, parce que ça sera empreint de sagesse, que nous allons nous aider et que même nos chants seront spirituels et que nous serons une bénédiction pour nos propres vies et pour le reste des humains. Attitude du chrétien, c'est le titre de la note explicative de Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 17 que vous pourrez lire à la page 150 dans le lecteur de la Bible. Nous étions avec l'évangéliste Jean-Marc Agnero, auteur du livre intitulé « Activer la faveur divine dans le choix du conjoint ». Il est le président de la structure Génération sans divorce. Il est pasteur à la mission évangélique La Source de l'Abondance à Yopougon. Cette émission a été mise en œuvre par Emmanuel Yao et Edouard Yao. Je suis à Dombia l'Espoir.com. Demain, nous lirons Colossiens chapitre 3, les versets 18 à 25 et le verset 1 du chapitre 4. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. À demain. Shalom. Thank you.